Je crois que je suis tombé de haut. C'est pas comme ça que ma vie j'imaginais. Mais bon, j'assume, c'est ma faute. Je sais même plus à quoi je suis destiné. Ma force, je perds. Où aller, j'ai plus de repères. Les yeux ouverts, je vois mes rêves finir sous terre. Il faut que parler et parler. C'est comme ça depuis des années, des années. J'ai connu bonheur et malheur. Mon frère, j'ai une question à te poser. Dis-moi si je l'ai mérité. Dis-moi si je l'ai mérité. Dis-moi si je l'ai mérité. Dis-moi si je l'ai mérité. Yeah, tout ça, je l'ai mérité. Dis-moi si je l'ai mérité. Yeah, je l'ai mérité. Dis-moi si je l'ai mérité. Ils t'ont tourné le dos, je t'ai tendu la main. Je t'ai tendu la main, tu m'as tourné le dos. Oui, je pardonne, mais j'oublie pas. On sera ensemble jusqu'à l'argent nous sépare. Mon avenir, je le tiens à demain. N'en fais pas, ça sera mieux demain. Des douleurs, je ne sens plus rien. J'essaye d'oublier tout ça. Suis-je en train de compter mon nombre d'amis? Ou suis-je en train de compter mon nombre d'ennemis? Dis-moi si je l'ai mérité, mon frère. Dis-moi si je l'ai mérité. Dis-moi si je l'ai mérité. Dis-moi si je l'ai mérité. Si je l'ai mérité, yeah, tout ça je l'ai mérité, yeah. Dis-moi si je l'ai mérité, yeah. Je l'ai mérité, yeah. Dis-moi si je l'ai mérité. Oh, oh, dis-moi si je l'ai mérité. Et j'ai vu tout ce qui me souhaite le malheur.